quand les Verdurin amenaient Odette à Saint-Germain, à Chatou, à Melun, souvent, si c'était dans la belle saison, ils proposaient, sur place, de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Et quand Odette était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, hélas, sans lui permettre d'y aller, comme par hasard, de son côté, cela ferait un effet déplorable, disait-elle. Il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Swann passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du Tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas, de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenu par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car, les Verdurin ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée seule au théâtre, et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui. Et de tels moments, où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swann, était plus utile à Odette, servait mieux à lui attacher Swann que toute sa coquetterie. Car, ainsi, Swann vivait dans cette agitation douloureuse qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin et l'avait cherchée toute la soirée.